Artus et Là où vont les autres, une émission de Radio Zinzine, par Commune Oreille et Kilowatt FM. Le 22 mars 2017, Commune Oreille, le collectif, a organisé le concert de deux groupes diffusant leur musique sous licence libre, chacun avec une approche particulière des musiques traditionnelles et contemporaines. C'était à la Cimenterie, à Fort-Calquier, un lieu géré par la compagnie Toussembale qui nous a accueillis chaleureusement. Le public était au rendez-vous et c'était une bien belle soirée et nous avons décidé de pousser la rencontre avec ces musiciens en leur laissant la place par la discussion pour nous présenter leur univers. Au programme de cette soirée, Artus, qui vient du Béarn et présente une approche rock assez dure et radicale en s'inspirant du patrimoine oral et musical de leur contrée, et Là où vont les autres, un duo de Fort-Calquier composé de Martin Mort au chant et aux guitares et Olivier Vauquelin à la contrebasse et aux percussions. Et qui explore par l'improvisation des territoires sonores donnant à partager un folklore imaginaire inspiré des musiques actuelles et traditionnelles. Quelques jours après leur prestation, nous avons rencontré Là où vont les autres dans leur lieu de travail privilégié, le Pied d'Olin, un lieu assez idyllique situé au pied du village de Lurs, géré par Hugues et Juliette, et accueillant des artistes de tous bords pour leur offrir un lieu de résidence. La première question que nous avons posée à Martin et Olivier est celle de leur rencontre et de la création de ce duo d'improvisation. On s'est rencontrés en juin de l'année dernière, un peu comme on rencontre n'importe qui, si tu veux, envie de faire de la musique, envie de rencontrer de nouveaux musiciens, et puis on s'est croisés plusieurs fois avant de jouer ensemble. Et puis ça a été très fort tout de suite dans la manière de... Parce qu'on était tous les deux attirés par l'improvisation essentiellement, quoi. Et on a trouvé des univers assez proches finalement. Avec des influences, notamment au niveau du rock psychédélique des années 70. Et en fait, Là où vont les autres est un des volets, si tu veux, une des facettes qui ont fini par éclore et qui vient plutôt d'un projet d'Olivier, en fait, ton projet de BD Concert, sur lequel je te laisse la parole. Parce que c'est pas mon projet. Oui, alors la BD Concert, tout simplement, comme le ciné-concert, enfin pas si simplement d'ailleurs, c'est une projection des cases de la BD, donc, qu'on va d'ailleurs mettre en musique. Hein, comme un ciné-concert, on va projeter le film, on accompagne musicalement. J'avais déjà eu quelques expériences, moi, de ciné-concert, j'en ai organisé. J'y ai joué un peu aussi dessus, je me suis amusé pas mal avec. Et puis, je suis projectionniste à la vie, à Aix. Et du coup, de pouvoir justement rassembler mes passions, qui sont la projection, la musique, improvisée en plus, la bande dessinée et la performance... ça me semblait évident, quoi, le BD Concert. J'en ai entendu parler, ça reste un grand mystère, je n'en ai jamais vu. Et j'ai surtout pas envie d'en voir tant qu'on n'a pas mis la touche, ouais, parce que j'ai peur d'être vachement influencé. Voilà, la BD, je suis tombé amoureux d'une BD qui s'appelle Là où vont nos pères, de Sean Tan, édité en 2008 chez Dargaud. Et j'en ai parlé à... Un auteur australien, si ouais, c'est ça. C'est ouais. J'en ai parlé à Martin, qui connaissait la BD. Et du coup, pour moi, ça me semblait évident que c'est cette BD, parce qu'elle nous ressemble vraiment. Je pense qu'elle ressemble à un tas de gens. Tous ceux qui l'ont lu, de toute façon, sont fascinés par cette BD, j'ai l'impression. Enfin, qu'ils l'ont lu. Ouais, donc, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de bulle. C'est une BD sans bulle, et c'est ça qui est chouette aussi. C'est que ça laisse totalement... libre à l'interprétation. Et je pense qu'on va en avoir une version, qu'il y en aura certainement plein d'autres, des versions, si on improvise en plus à chaque fois dessus. Je sais pas, on va peut-être pas improviser totalement non plus, on va essayer de travailler différemment pour le coup sur ce projet. Oui, parce que Là où vont les autres, en fait, Là où vont nos pères était un prétexte aussi à trouver une forme un peu grande, longue, d'une heure quoi, environ, au sein de laquelle improviser. Donc il y a Là où vont nos pères et il y a Là où vont les autres, qui est plus la version sonore en fait, qui est jumelle pour nous avec avec la découverte de cette bande dessinée, mais qui a aussi une forme d'autonomie quelque part, puisqu'on l'a joué... On l'a joué pour vous, pour Commune Oreille. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser aussi ces deux facettes, autant la version musicale que la version BD Concert. D'accord, donc du coup, c'est un peu la même histoire que vous racontez que cette histoire de migration dans la, là où vont les. Alors, pas cette fois-ci, on a choisi de ne pas se lancer dans le fil narratif. On voulait explorer un univers qui, pour nous, fait référence à cette bande dessinée, sans pour autant voilà, se calquer sur l'histoire racontée. Donc, c'est un univers qui va rassembler plusieurs influences musicales qui sont à la fois, on va dire, voilà, le rock des années 70 pour une part, la musique psychédélique, et pour une autre part aussi les musiques traditionnelles, on va dire, d'Asie, d'Orient, du Moyen-Orient. Et tout ça, créant, on avait utilisé l'expression folklore imaginaire pour communiquer sur notre musique, même si le mot folklore est peut-être pas vraiment adapté, c'est quand même comme si on avait créé, comme si on essayait du moins de créer une culture qui existe sans exister. C'est un peu sur cette frontière floue entre l'imagination et la tradition qu'on a essayé de se promener en fait par l'intermédiaire de cette musique. D'accord. Quelque chose d'assez universel du coup, qui puisse parler. Peut-être universel, en tout cas qui pour moi fait référence au dépaysement qui est très, fort, très très bien illustré par la bande dessinée. Puisque on n'est peut-être pas obligé de raconter l'histoire, mais il y a un exil. Qui dit exil dit découverte d'une culture absolument inconnue dans laquelle tout paraît complètement fabuleux. Et dans l'idéal, c'est ce qui se passe en tout cas. Dans l'idéal. Du coup, je trouvais ça intéressant voilà, de rapprocher notre univers musical, on va dire imaginaire, tradition imaginaire, de cette histoire d'exil. Ce qui n'était pas du tout explicite, on ne l'a pas annoncé comme ça non plus. Le public ne pouvait absolument pas deviner qu'on faisait référence à ça non plus, sauf peut-être à qui on aurait lâché l'idée, peut-être, parce qu'on commence à en parler. Enfin, les réactions, je ne sais pas du, coup, du tout. Enfin... Bah, je dois avouer que personnellement, je fais le lien ce soir entre là où vont les autres et là où vont nos pères, parce que tu as juxtaposé les deux noms, mais en fait, je n'avais pas fait le lien. Oui, on n'a pas parlé. C'était plus comme une inspiration pour nous. Pour être très honnête, on ne savait pas s'il fallait qu'on assume directement le fait de faire référence à cette bande dessinée. Nous n'en avons même pas parlé à l'auteur encore. C'est pas quelque chose qui est fait, qui est déjà autour de laquelle il y aurait un accord avec lui. Donc c'était plus comme une source d'inspiration. Ça nous guide. Peut-être qu'il va faire des dessins, je ne sais pas. D'accord. À terme, qui sait. Oui, avec un concert dessiné, du coup. Ça fait partie des choses qu'on expérimente en ce moment, à l'Hôtel Astier, notamment, avec Hugues. Breton et Breton. Patricia Steiner. Voilà, et Patricia Steiner. D'accord. On fait quelques expériences, musique, peinture, improvisation. Ouais. Ok. Ça nous permet de jouer tout simplement dans des lieux différents. Et à l'Hôtel d'Acier, c'est là où on a fait la performance à l'aveugle. D'accord. Déjà. Et Calquier, donc. Voilà, oui, rue Marius Debout. Là, on joue dans l'atelier et puis il y a les artistes qui sont en train de peindre à côté de nous. D'accord. Une heure, deux heures, trois heures. Ok. Donc un peu le même type de travail que ce que vous faites aussi avec la danse. Tout à fait. La vidéo, La vidéo, on qu'on avait pu voir ici. Si, il y a eu les feuilles. Ah oui, les feuilles. C'était des photos. Alors, je raconte. Oui, vas-y, raconte. Vite fait. C'est des photos que j'ai fait autour de. J'habitais dans les bois, dans une caravane, vers Puy-Ricard, dans une forêt, plus que le bois. Et tous les matins, enfin, disons, peut-être pas systématiquement tous les matins, je prenais mon petit déjeuner avec mon chat. dehors, parce que bon, bah, c'était chouette d'être au milieu des bois, au réveil. Et donc, je me suis mis à photographier des feuilles qui dansent, suspendues à des fils d'araignées, pour la plupart. Et j'ai photographié ça pendant un an. Donc, pas systématiquement tous les jours non plus. Hein. Je ne vais pas passer pour un taré. Là, j'avais plein d'autres trucs à faire. Quoi. Donc, j'ai fait une trentaine de séquences comme ça, avec des milliers de photos que j'ai montées, un peu aléatoires. Et ça fait un photomontage, un diaporama accéléré. Et Juliette Penblanc, donc, qui fait aussi des ateliers d'écriture, a recueilli des témoignages d'anonymes, justement, enfin, en leur montrant une séquence des feuilles. Et puis, elle a noté ça aussi pendant un certain temps, je ne sais pas, pendant plusieurs mois. Et on a fait une projection donc, de ces feuilles pendant 20 minutes, avec des lectures des recueils de Juliette, et qu'on a mis en musique improvisée avec Martin. Voilà, ça c'était la performance qu'on a fait donc au début janvier ici. Pour une première partie c'était les feuilles, la deuxième partie c'était avec Caro et Lorna, Caroline Desmers et Lorna Laurie, merci. Et voilà, danse buto, clown et musique improvisée aussi. Et intervention du public, puisque j'étais là, tout à fait. Qui du coup donnait, de la même manière que Juliette je suppose avait recueilli des impressions de gens pour écrire son texte. Là aussi, le public, du coup, donnait son impression en direct. Avec un mot, une phrase, et on devait improviser musicalement et gestuellement dessus pendant un certain temps, sans s'être concerté. Qui était assez drôle. C'était assez jouissif. C'était très intéressant à faire en tant qu'artiste, en tout cas, c'était pas en tant que musicien. C'était vraiment, vraiment un régal, cette phase-là. Et c'était quelque chose de très intéressant du côté du public aussi, puisque le public avait participé, et finalement il devient créateur aussi du public là-dedans, même si c'est pas forcément ça. Vous avez tiré 3, 4, 5 mots peut-être. Oui, 3, je crois. 3, ouais. Mais bon, malgré tout, ça vient de nous, public, et du coup, tout le monde est actif de cette improvisation-là, en fait. Oui, non, mais l'interactivité aujourd'hui... Oui, c'est ça. En tout cas, je trouve ça assez intéressant ce travail là, du temps que tu as fait sur la photo, que Juliette du coup a fait à partir de ses photos pour aider du collectage d'impressions de d'autres personnes, et ce temps que vous attribuez à pas forcément savoir avec une idée de départ, mais à pas forcément savoir quel va être le rendu à la fin. Enfin, ça fait cohérence tout ça, c'est ça que vous cherchez du coup, vous mettre en disposition pour accueillir ce qui va se passer. Oui, parce que tu dis me parle, ouais complètement. Je pense que c'est moi, je voudrais pas faire mon mystique, mais c'est une philosophie, quoi. C'est un art de vivre, je pense, que de mettre en pratique que ce soit dans son art ou dans son travail ou dans sa vie quotidienne, une attitude où on est dans l'accueil, quoi. Prévoir, c'est bien, avoir des projets, c'est bien, mais je dirais le moins possible, quoi. C'est-à-dire que faire confiance aussi au fait que y a des rencontres, tu vois. Il y a une rencontre entre Olivier et moi qui a fonctionné dès le départ, qui est... c'est ce que nous nourrissons, en fait, au fur et à mesure de nos expérimentations. C'est ça qui compte, je dirais. Et puis, au niveau du spectacle, ça peut prendre n'importe quelle forme. C'est pas ce qui est le plus important, enfin, à mes yeux, en tout cas. Et ça progresse avec la durée, justement. Je pense que c'est très intéressant, ce que tu disais, très important, de se laisser le temps de la progression, de faire émerger des formes. Je crois beaucoup en cette attitude, en fait, dans la créativité. Mon amour, mon amour. Intéressons-nous maintenant à leur parcours individuel. Comment dire, je me suis mis à jouer sérieusement à la suite d'une rencontre, j'avais 30 ans, il y a 10 ans donc. Et plusieurs groupes du côté d'Aix-en-Provence, je sais pas quand on a commencé avec les Thénardier. À l'époque, voilà, je me suis mis à la contrebasse. L'été aussi, qui est un spectacle qu'on tourne dans la région. D'ailleurs, on va jouer à Niozel au mois de mai. Un spectacle autour de Brassens qu'on fait swinguer à 4 avec les mêmes membres aussi que les Thénardier, l'été, les Georges. Voilà, entre autres, il y a deux filles, deux garçons, guitare, contrebasse. Jamil le crocodile qui perdit ses dents. Un spectacle pour enfants. Voilà, que je joue avec ma chérie Florence, qu'elle a un livre-disque qu'elle a écrit, qu'on a adapté. Sur scène et qu'on tourne depuis 3 ans et on fait des ateliers dans les écoles, entre autres. Uh-huh. On a joué à Volks là, il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que ça me parle. Ouais. Ah oui, voilà. Ouais. À la médiathèque. Eh bien, je suis enfin, Jamil. Eh oui, Jamil. Eh oui, c'est moi. Très bien. Et, voilà. Et puis, et Balagan, voilà, un autre groupe, musique du monde, violon, guitare, chant, voix. D'accord. Voilà, moi je suis un peu. Je touche à plein de choses. Enfin, il y a eu d'autres projets, encore plein d'autres même. Et j'ai besoin de trouver un équilibre voilà, en multipliant les projets, malheureusement. J'arrive pas à me concentrer sur un seul truc, alors qu'à chaque fois, bon, c'est catastrophique. Je devrais pas raconter ça, d'ailleurs. Mmh. Qui va écouter c'est ça, pas très vendeur non plus. Hein. Non. Un peu pas. Et donc, mais tous ces projets, ils tournent, ils marchent bien, heureusement. Quoi. Enfin, il y en a avec qui on tourne plus que d'autres quoi, aussi. Et du coup, moi, je trouve un équilibre dans tout ça. Et aujourd'hui, ce que je fais avec Martin, ben, c'est encore une autre part de moi. C'est pas justement dans la chanson française, dans les musiques du monde, dans le spectacle vivant pour enfants ou dans le conte. C'est justement c'est cette part d'improvisation que j'ai depuis le début et là qui se révèle avec une rencontre magique. Mais avant l'âge de 30 ans, tu jouais pas du tout de musique ? Non. D'accord. J'ai fait un peu de percussion. Ouais. Voilà, comme ça, le soir bourré sur la plage, comme tout le monde. Voilà, c'est tout. J'ai fait de la guitare à 15 ans, c'est voilà, comme tout le monde, j'ai l'impression aussi. Voilà, un groupe de heavy metal voilà, okay. À l'époque. C'est tout. Et toi, Martin ? Eh bien, pour ma part, ça fait longtemps que je fais de la musique, parce que j'ai commencé chez des gamins, quoi. Mais c'était vraiment en dents de scie, mon parcours de musicien. J'ai d'abord mis très longtemps avant d'accepter qu'on me dise « mais t'es musicien », parce que voilà, pour moi, il fallait assumer, il fallait être passé par le conseil. J'ai du mal à le dire, le conservatoire. Je m'étouffe. Voilà, j'avais une vision finalement très élitiste de la musique, sans vraiment le en être conscient, tu vois. Et finalement, donc, c'est vers la vingtaine, après avoir fait un petit peu de batterie, un petit peu de piano, un petit peu de guitare, en passant par le conservatoire, mais pas très longtemps, que je vais vers la fac de musicologie et là je rencontre vraiment des gens avec qui je peux enfin découvrir que la musique c'est simplement pratiquer la musique quoi. Donc on a monté deux collectifs d'improvisation qui se sont succédés l'un l'autre sur Nice, un collectif qui s'appelait le collectif du 4A, je sais jamais des fois que les gens s'en souviennent et on a fait pas mal de performances voilà, d'improvisation, de musique concrète, expérimentale, musique acousmatique, parce que dans la bande, il y avait vraiment des touche-à-tout, quoi, des gens qui travaillent beaucoup avec l'informatique notamment. Mmh. Un gars qui s'appelle Gaël Navarre qui composait pas mal en musique contemporaine, que je salue d'ailleurs, parce qu'il est vraiment, vraiment chouette ce garçon. Et puis voilà, c'est là-bas que j'ai fait un petit peu mon école de l'improvisation, on va dire. Et puis après, j'ai abandonné la musique pendant longtemps pour aller bosser, quoi. Et puis, il y a quelques années, là, je me suis remis à composer des chansons. Voilà, j'avais complètement laissé tomber l'aspect expérimental, justement, en me disant que c'était trop abstrait. J'avais eu un dégoût de cette abstraction. Et puis, j'avais besoin donc de retourner vers le texte, parce que j'ai toujours écrit de la poésie aussi. D'accord. Et j'avais besoin de dire des choses, j'avais besoin de, sans doute, de guérir certaines blessures aussi. Et ça m'y a aidé. Et le passage sur scène était difficile, c'était très difficile d'accepter de me montrer. Et finalement, il y a 2 ans, j'ai rencontré Léo, qui est musicienne aussi à Fort-Calquier. On a monté un duo ensemble, on a commencé à tourner, puis voilà, ça a fonctionné, ça a commencé à prendre. Il y avait un vrai plaisir de partager la scène ensemble. Il s'appelle comment ce duo? Ça s'appelait Petit Voyage. D'accord. Voilà, et puis finalement... Ça s'est éteint un peu comme c'est né, quoi, assez spontanément. Et ça s'est éteint concomitamment au moment où je rencontrais Olivier. Avec un rapport, d'ailleurs, je précise. Hein, non, aucun rapport. Aucun rapport. C'est vrai. Mais voilà, j'avais à ce moment-là un appétit de jouer de la musique voilà, retournant à l'improvisation, parce que finalement, c'est aussi quelque chose qui m'anime depuis longtemps par le chant plus que par la guitare. Voilà, j'y trouve un plaisir immense, ça m'a suivi toute ma vie, donc voilà, je continue de pratiquer. Et finalement, la scène et le métier de musicien, c'est quelque chose qui vient maintenant parce que c'est possible, parce que c'est rendu possible par des années de pratique qui sont en amont, quoi. Mais c'est surtout pour ce que ça m'apporte en tant qu'être humain de faire de la musique que je pratique, quoi. Voilà, en donnant un peu des cours de guitare aussi voilà, en plus de ma pratique, mais d'accord. Parcours non linéaire donc, et marqué par la curiosité et l'ouverture envers différentes formes artistiques, les interactions et la créativité qui peut naître d'une rencontre. Nous leur avons alors demandé de nous présenter les influences qui les guident, les nourrissent dans le travail de là où vont les autres. Alors, brûle pour point. Il y a un disque qui vraiment m'a transporté, mais ça fait pas très longtemps, ça fait 3-4 ans, qui est... produit par Joël Grard, qui est un percussionniste qui a été formé, voilà, à l'école de Strasbourg. Donc c'est quelqu'un qui sort de l'académie, mais qui sort de l'académie avec une ouverture d'esprit incroyable et qui a rassemblé plusieurs musiciens dont je ne connais pas les noms, un violoniste chinois qui joue du violon traditionnel, un contrebassiste tchèque, un guitariste et joueur de théorbe français et lui-même percussionniste, ainsi qu'une chanteuse de flamenco, hein. Et tout ça dans un disque qui a pris racine dans l'improvisation et pour faire émerger ensuite des formes plus écrites. Et là aussi, on est dans une espèce de tradition qui n'existe pas et qui est d'une beauté, d'une poésie incroyable. Ça s'appelle bah, Pékin, Istanbul, Paris. Voilà. Pékin, Istanbul, Paris. Et d'accord. C'est très très très bon. La qualité de la musique est vraiment là. Et c'est pas très expérimental, mais c'est très très bon. Le disque est en 2 volets. Il y a un volet plus influencé par la musique traditionnelle et un volet qui est plus influencé par sa relation avec son père qui était fondeur de cloches. Et donc il y a toute une partie du disque qui est plus expérimentale pour le coup. Qui est plus sur le métal, en fait, sur les sonorités métalliques. et donc très percussive, c'est très très beau aussi. C'est la première partie qui m'influence voilà, dans ma relation à la musique traditionnelle et à la liberté de création avec ces musiques-là. Moi je vais pas faire original, mais bon, j'en parle souvent, c'est Pink Floyd. Mmh. Voilà, la période 70-76, un peu plus. Juste apprécier le départ de Syd Barrett, du coup. Ouais, voilà, ouais. J'ai l'impression, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui me touche le plus, hein, mais voilà, autour de Medel, le live à Pompéi. Voilà, moi je reviens régulièrement là-dessus. On n'a pas du tout la prétention de faire ça. On en est très très loin, on cherche même pas du tout. Mais moi je vois ça partout. Over the mountain, watching the watcher, breaking the darkness, waking the grapevine. Live à Pompéi, je peux pas m'empêcher, effectivement, quand on est là tous les deux dans le pied de lin, parce qu'on joue souvent au pied de lin dans la salle, quoi. Et pour personne, le public c'est nous, quoi. J'ai vraiment l'impression de enfin, jouer ces images-là. Qu'on peut qu'il y ait un coucher de soleil. Ouais, voilà, ouais. C'est magique, le cadre ici est incroyable. Et. Il y a Magma, ouais, qui m'a énormément influencé dans tout. D'ailleurs, j'écoute ça depuis un certain temps et je suis totalement fan. J'ai vu un paquet de fois sur scène qui est arrivé. C'est marrant, c'est une des grosses influences qu'ont cité Artus aussi. Ouais. Et du coup, quand j'ai découvert, en tout cas, j'ai pensé, je suis allé voir mes potes qui étaient dans la salle et d'ailleurs, ils rigolaient aussi. Ils me disaient, mais ça va te plaire parce que c'est Magma. Et j'ai fait, mais ouais, complètement, je suis dedans. Sauf que, ouais. Et il y a. Bah, peut-être, tu parlais d'œuvres, mais pas forcément musicales, quoi. Je pense que la BD, là où on opère, ça nous rassemble. Ouais. Hein, j'invite pas tout le monde à courir à l'acheter non plus. Attendez qu'on la joue sur scène. Voilà, surtout. Moi, je l'avais emprunté à Château Arnoux, à la médiathèque. Je tiens à le préciser quand même. J'ai découvert là-bas, quoi. Et c'était assez chouette. Et une autre œuvre, ciné, peut-être. Bah, y a The Wall, évidemment, quoi. Enfin, pareil, mais bon, c'est loin de ce qu'on fait, mais moi, ça me parle tellement, quoi. Voilà, le film. Et les films de Ron Fryk, qu'a fait Baraka. Oui. Et voilà. Moi, ça me parle aussi. C'est un voyage. Mmh. C'est sans parole, encore une fois. C'est des musiques. Alors là, il y avait Dead Can Dance. Et ce qu'on fait, c'est. Je ne voulais pas citer Dead Can Dance, mais bon. Bravo. Je m'y retrouve vachement là-dedans. Ouais. Et du coup, il y avait, bon, entre autres, il y avait Philippe Glass aussi qui fait la musique. Ouais. Et moi, j'écoute régulièrement Renaud Garcia-Fonce, Philippe Glass. Mmh. Ça, c'est des artistes qui me touchent, qui me parlent. Mais ça se ressent dans la répétition, dans la construction qui bouge petit à petit. C'est effectivement une influence qu'on reconnaît. Voilà. J'en ai cité plein, du coup. Voilà. C'est bien, c'est bien. Et puis, même si j'y aurais peut-être pas pensé spontanément, moi, c'est de toute façon des influences qui font partie aussi de mon parcours et de ma vie. Moi, je pense, j'écoute beaucoup en ce moment et depuis longtemps. Mathias Duplessis, qui est un guitariste français qui a pas mal travaillé avec les cultures de Mongolie. Donc j'aime beaucoup l'approche et l'attitude par rapport à ces cultures traditionnelles. Mmh. Encore toujours dans cette idée de savoir s'inspirer de musique d'ailleurs, quoi. Moi, j'écoute beaucoup de musique de Turquie aussi, musique soufie ou tout simplement de Turquie. Bon, là, j'ai pas de nom en tête, mais c'est simple. Hein, je vais sur internet et puis je tape musique turque. Ouais. C'est simple que ça. Bon, il y a Talip Özkan qui est un chanteur extraordinaire, très classique. Et voilà, et c'est tout ce qui me vient. Mais il y a aussi dans mes influences un livre qui a été déterminant dans mon choix d'abandonner l'écriture, enfin d'abandonner, en tout cas de la mettre en pause, pour ce qui est de la chanson et même de la musique de manière générale, mm-hmm. pour ensuite me réinvestir dans le champ de l'improvisation. Mm-hmm. C'est un bouquin de David Abraham, qui est philosophe américain, qui s'appelle « Comment la Terre s'est tue ?» et qui permet, si tu veux, de réinvestir, de laisser les cultures animistes, en fait, réinvestir la culture occidentale, qui fait tout un travail de démontage de l'influence de l'écriture dans nos civilisations. Et ça m'a tellement troublé, en fait, tellement touché, que je me suis dit, mais je fuis, en fait, avec l'écriture, je fuis... une qualité de créativité qui peut être là en permanence parce que je maîtrise, je cherche à maîtriser mon vocabulaire, les images que je vais pouvoir produire, puis même dans le choix des accords ou dans le choix des lignes mélodiques, j'avais l'impression de me cacher derrière les techniques. Et du coup, ça m'a vraiment libéré de ça en me disant bah, voilà, maintenant, engage ton être, engage ton imperfection ou ta perfection, tu peux le voir comme tu veux. Ne reviens pas dessus, quoi. Voilà, et d'ailleurs, on enregistre très peu de choses. Enfin, c'est quand ça commence à rentrer dans notre pratique d'enregistrer notre musique pour pouvoir un on petit peu... On l'écoute pas, ça compte pas, quoi. C'est les archives. C'est ça. Il y a vraiment l'idée d'être... de faire l'improvisation. Ouais, vraiment un art de vivre, un art de créer, quoi. Et ce livre a beaucoup contribué à me relancer dans cette voie-là. De radio se focalise sur les musiques diffusées sous licence libre. Petit rappel de ce dont il s'agit. En ne laissant pas ses droits à gérer par une société privée de gestion collective comme la SACEM en France par exemple, et en utilisant des licences libres comme les Creative Commons ou Art Libre, les artistes choisissent de libérer leur création en définissant des conditions d'utilisation plus larges qui permettent pour les auditeurs de copier et diffuser largement pour une utilisation non commerciale, et en fonction de la licence choisie de réinterpréter, sampler, voire utiliser commercialement. Malgré le fait qu'ils ne composent pas et font très peu d'enregistrements, quel est le sentiment de Là où vont les autres vis-à-vis de la libre diffusion ? Moi, je reste... Enfin, j'en ai plusieurs. Mais, je dirais déjà que la musique, pour moi, ça reste quelque chose de vivant et je trouve ça vachement bien sur scène. Du coup ça me donne envie de pousser les artistes à se montrer en live, quoi. Ouais. Après, moi, j'écoute beaucoup de musique sur Internet, comme je te disais, parfois par des plateformes qui sont moitié légales. Moitié légales, je sais pas à qui tu penses, mais voilà, par exemple, j'ai pas envie de dire ce nom-là sur cette antenne, mais Des fois, ça fait un peu mal au. Voilà, parce que, parce qu'on sait que ça peut pourrir un peu, entre guillemets, les moyens, comme l'industrie du disque, qui est un des moyens pour les artistes de gagner de l'argent. Hein. Mais en même temps, je sais pas, moi, le droit d'auteur, ça me parle pas. Non seulement parce que je suis dans une musique d'improvisation, mais aussi, même par rapport à mes chansons, j'ai jamais eu envie de les défendre comme en étant le seul détenteur. J'ai l'impression d'arriver après des générations et des générations et des générations de musiciens qui transmettent leur culture depuis plus de 1000 ans, tu vois. Et ce que je fais, est-ce que ça m'appartient vraiment, tu vois? Ce que j'écris, ma langue, elle existe depuis. Elle se transforme depuis des générations et des générations. Est-ce que ça m'appartient vraiment Qu'est-ce qui est une musique originale, en fait? Exactement. Donc, je me sens pas revendiqué pour l'instant. Peut-être que je changerai d'avis, j'espère pas. des droits d'auteur, quoi. Tout simplement, déjà. Rien que ça, pour moi, ça paraît fondateur d'un comportement en tant qu'artiste. Quoi. Après, j'ai l'impression que l'intérêt d'une licence comme Creative Commons, par exemple, c'est de pouvoir quand même un minimum faire parler de soi quand t'es voilà, créatif et que t'as envie de pouvoir en vivre un minimum. On réutilise ta musique, on te cite, c'est déjà ça, quoi. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant de ce point de vue-là aussi. Ouais. Bah, l'idée, c'est vraiment la diffusion. Et puis, à l'heure d'Internet, depuis 20 ans, la diffusion n'a jamais été aussi simple. Les salles de spectacle aussi remplies, quoi, j'ai l'impression aussi. Hein. Et oui. Ouais. Parce qu'on découvre, on écoute beaucoup plus. Enfin, peut-être que l'argent que tu mets pas dans l'achat de disques, malheureusement, tu vas le mettre dans une place de concert et puis tu découvres plus d'artistes, ça circule plus facilement aussi la communication. Donc on remplit les salles de concert. C'est pour ça que moi je privilégie la performance live, évidemment. Ben, après, c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir se produire sur scène dans des bonnes conditions, quoi. Et bon, malheureusement. Et puis des scènes, c'est pas comme s'il y en avait partout qui t'accueillaient à bras ouverts, quoi. Des fois, il faut se battre. Et puis des groupes aussi, ça pullule, quoi. Mais bon, je pense que tout le monde a sa place. C'est pour ça que je comprends pas. Enfin, jouer dans la rue, bon, déjà, moi je l'ai fait un certain temps, ça m'arrive encore. Mais pour citer le marché de Fort-Calquier, hein, c'est comme ça, c'est ma première expérience à Fort-Calquier, je me suis fait chasser. Hein. C'est pour ça que je suis ici maintenant d'ailleurs, hein, suite à des rencontres et après m'être fait chasser avec les Georges là, du marché de Fort-Calquier. Enfin, et bon, je suis en train de divaguer parce que ça ne parle pas du tout des droits, même si les Georges, effectivement, on a toujours des histoires de droits parce que forcément, c'est pas le domaine public, ce qui est scandaleux. Hein, parce que s'il avait choisi, s'il était encore là, peut-être que... C'est pas impossible. Voilà. Et choisi, pour parler juste encore vite fait des droits, donc on a travaillé avec Martin et Camille... Camille Lacombe. Lacombe, merci. Je sais pas son nom. Sur l'adaptation du Petit Prince. Une comédienne. Voilà, qui est comédienne et conteuse. Et avec Martin, donc on va faire la musique. Enfin, on fait la musique, on a fait une résidence au pied de l'un. Et donc, le Petit Prince... qui va s'appeler a priori peut-être, on a une idée. Le Petit Prince, c'est la France, c'est le seul pays au monde où le Petit Prince n'est pas libre de droit. D'accord. Pourquoi? Parce que Saint-Exupéry est mort en mission pour la France. Voilà, il est mort d'un accident d'avion, a priori, il a disparu en 44. Et donc, quand tu es mort pour la France, ça repousse tes droits, enfin pour tes héritiers, de 30 ans. Donc depuis le 1er janvier 2015, donc depuis l'année dernière, depuis deux ans, le Petit Prince est libre de droit partout sur la planète, sauf en France. Ans, du coup. Voilà, sauf en France, où c'est repoussé. Incroyable. C'est génial. C'est incroyable. Voilà, donc on va le jouer en Belgique, on va le tourner, on va le jouer en Suisse, on va le jouer à Monaco, on va le jouer au Groland, et c'est pas en France. Voilà. Et, ouais, c'est les boules, les droits. Quand tu joues le Petit Prince, enfin quand tu déclares plutôt, c'est le secrétaire de la veuve de Saint-Exupéry qui touche les droits. Et ouais, c'est ça, tu vois. Moi, j'ai l'impression que tout est résumé là dans cette histoire de droits d'auteur. Je pense que de ton vivant, effectivement, que tu touches des sous pour ce que tu as écrit, ça peut paraître normal, et encore, il y a des limites, j'ai l'impression. Maintenant que tes arrière-arrière-petits-neveux ou les héritiers des amants de tes petits-neveux touchent encore des sous sur ce que tu as fait il y a 70 ans. Que tout ça va changer avec la 6ème République imminente. Voilà. Mais... laisser la place à Artus. Et voilà, merci beaucoup pour être là, pour recevoir notre musique. Et puis, merci au collectif qui a organisé cet événement. Extraordinaire, merci. Et puis voilà. Olivier Vautrin, la chocolat, au bout de vol. Bon, c'est Martin. Merci. Donc ça va nous prendre un quart d'heure, 20 minutes, je pense. Voilà, il laisse le temps de faire une pause.